La radio sud-coréenne KBS, datée du 20 courant, fait part d'une lutte ouvrière sud-coréenne pour le droit à l'existence. La succursale de l'automobile Hyundai, du syndicat de métallurgie et le syndicat de l'industrie lourde Hyundai ont livré en commun une grève en présence de 10 000 syndiqués. Des syndicats de construction navale, y compris l'industrie lourde Samsung, les ont rejoints. Par ailleurs, 5 syndicats de construction navale, y compris celui de Daewoo, ont tenu un meeting. La Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a organisé le 20 une grève générale sur toute l'étendue sud-coréenne.